Bon, dans la première partie, nous recevons Bernard de Montréal pour nous entretenir sur un sujet qui est régulier dans notre quotidien, les problèmes des autres, comment les autres nous les projettent, nous les font vivre, et comment nous établissons une relation pour soit se dégager ou régler les problèmes des autres. Nous recevons donc Bernard de Montréal. Quand il fait soleil, on ne sent pas les problèmes. Quand l'automne revient, les problèmes ressortent. Les gens nous les racontent. Y a-t-il une façon de vivre les problèmes des autres sans que ça nous affecte? Ou sans qu'on risque d'affecter les autres quand on leur raconte nos problèmes? Est-ce qu'il y a une approche ou il y a une façon de percevoir la dynamique d'un problème pour qu'on soit capable de traiter un problème de façon à ce que ça émane pas une atmosphère lourde ou difficile à vivre ou à engager avec les autres? Il ne faut pas s'impliquer dans les problèmes des autres. Il ne faut jamais s'impliquer au niveau émotionnel parce qu'on perd notre objectivité. Est-ce qu'une personne qui ne s'implique pas peut écouter à l'infini les problèmes des autres sans que ça l'affecte? Si on ne s'explique pas, oui. Par contre, une personne qui est intelligente, qui écoute les problèmes des autres, qui lui donne des conseils, éventuellement, il faut que les personnes qui reçoivent ces conseils-là puissent actualiser les conseils, puissent faire quelque chose. Sinon, on perd de l'énergie. Est-ce qu'il y a un lien qui s'établit, soit occultement ou vibratoirement, avec une personne avec qui on donne un conseil? Est-ce qu'il y a un aspect psychique qui fait qu'on est lié à l'autre lorsqu'on lui donne un conseil et qu'il exécute ce fameux conseil-là? Quand on donne un conseil à une personne, on est lié psychiquement d'une façon ou d'une autre, temporairement, pour une courte période de temps. Certaines personnes qui ont tendance à conseiller les autres ou établir des amitiés avec elles, ainsi de suite, pour les aider dans la vie, souvent ces gens-là vont poursuivre leur alliance, leurs amitiés, leurs relations. Mm-hmm. Mais le facteur demeure que on ne peut pas indéfiniment aider une personne. Quelque part, il faut que ça arrête, sinon ça n'a pas de fin. Mm-hmm. Puis on perd de l'énergie, puis la personne, d'un autre point de vue, la personne ne grandit pas. Est-ce que c'est intelligent d'aider quelqu'un, ou de régler un problème, ou d'aider un autre à régler un problème? Est-ce que c'est intelligent, soi? C'est intelligent dans la mesure où la personne est intelligente. Si la personne n'est pas intelligente, à ce moment-là, c'est une perte de temps. Est-ce qu'il y a un lien par le fait de vivre en contact avec des gens qui ont des problèmes? Est-ce qu'il y a un facteur de karma ou de programmation qui fait qu'on est lié à des gens, qu'on ne peut pas se défaire des liens ou des problèmes que les gens nous projettent à vivre le problème? Non. Il y a des liens karmiques entre les gens. Souvent, ces liens karmiques-là ne sont pas réalisés par les hommes parce que l'homme est trop inconscient. Par contre, ces liens karmiques-là font partie d'une expérience ancienne qui doit être balancée. Par contre, un être conscient ne peut pas indéfiniment vivre sous le parapluie d'un lien karmique. D'ailleurs, ça fait partie de l'évolution de l'homme sur la Terre de briser les liens karmiques. Les liens karmiques sont composés à la naissance, existent depuis très très longtemps. Il y a des hommes qui ont des relations avec des hommes dans d'autres expériences de vie. Ces êtres-là se rencontrent sur la Terre pour continuer leur évolution, parce que la Terre, c'est une école. Mais l'homme, c'est la responsabilité ultimement universelle et cosmique de l'homme de briser les liens karmiques. Quand je dis briser les liens karmiques, je veux dire en éliminer les facettes négatives, les facettes retardataires, pour que deux individus ensemble qui ont des liens karmiques puissent bénéficier de leur vibration, de leurs énergies, de leur potentiel créatif, de leur conscience, ainsi de suite. Sinon, on devient affecté par ces liens karmiques-là, puis ça peut durer des années de temps, et ça nous enlève la liberté d'action, et aussi ça empoisonne notre vie. Bon, un lien karmique, Bernard, c'est finalement quand une personne nous exprime un problème et puis qu'on est spontanément porté à l'aider, ça veut dire qu'on a un lien karmique. Est-ce que ça a été... Pas nécessairement. Pas nécessairement. On peut rencontrer des gens par accident, puis avoir des relations avec ces gens-là, puis leur parler, ainsi de suite, puis leur donner des conseils. Mais c'est le même principe demeure, on ne peut pas indéfiniment... Vous savez, parler à des gens, puis leur donner des conseils, puis leur expliquer la vie, c'est intéressant. Surtout quand on a une certaine conscience, puis on a une certaine notion des lois de la vie. Par contre, si les gens n'actualisent pas, si les gens changent pas, si les gens ne bénéficient pas intégralement de ce qu'on leur apporte, en ce moment-là, on spiritualise notre relation avec eux, puis on perd de l'énergie, puis ces gens-là ne peuvent pas grandir. Est-ce qu'on considérerait à ce moment-là qu'une personne qui est consciente est consciente aussi du lien karmique qu'elle a avec les autres dans l'instantané de l'échange? Une personne consciente peut connaître un lien karmique, mais même si elle connaît, si elle a connaissance du lien karmique, elle a aussi, mais encore plus, le pouvoir de le rompre, de le briser si la personne n'évolue pas. Avoir un lien karmique avec une personne, c'est pas négatif. Avoir un lien karmique avec une personne, ça implique un certain passé expérientiel. Par contre, supporter indéfiniment l'incompétence psychologique d'une personne, son incapacité de se prendre en main, son incapacité de devenir réellement, d'harmoniser ses énergies avec elle-même et aussi avec les autres, autrement dit, de devenir réellement créative sur le plan matériel, c'est essentiel, ça fait partie de l'évolution. Donc, si pour des raisons spirituelles, des raisons émotives, on s'empêche éventuellement de briser des liens avec des gens qui ne peuvent plus aller plus loin, mais à ce moment-là, ben, on les subit et on perd de l'énergie. Ça peut affecter notre vie, ça peut polluer notre vie, ça peut nous rendre malade. Il y a un problème qu'on... C'est ce que je reproche d'ailleurs aux gens qui sont trop spirituels. Les gens spirituels ont tendance à se donner une mission spirituelle, une mission personnelle par rapport aux hommes. Ça, c'est une illusion planétaire. C'est une illusion qui est très grande. Ça fait partie du niveau vibratoire du corps mental. Ça fait partie des illusions psychologiques de l'ego. Puis ça fait partie aussi des illusions astrales que la personne subit puis qui définit sa personnalité. Il y a un problème qu'on rencontre souvent chez les gens qui ont à manifester un problème ou à régler un problème. C'est que celui qui va nous conseiller, souvent, cherche à vivre d'une ascendance sur notre personne, dans le sens que se met en situation d'autorité. Ou bien quand on a l'occasion de donner des conseils à d'autres, et que les gens reviennent souvent prendre conseil, ils se mettent comme sous notre tutelle, sous le contrôle de notre vibration ou de notre volonté dans leur prise de décision. Est-ce qu'il n'y a pas un danger d'entretenir un lien qui devient, comme vous dites, passif dans ces situations-là? Est-ce que, en d'autres termes, est-ce que des problèmes, ça doit être vu, regardé par les deux personnes, mais réglé individuellement quand il est question de problèmes? Un problème, ça doit toujours être réglé individuellement. Ça peut être vu par deux personnes, mais souvent, comme vous dites, une personne qui a beaucoup d'expérience au niveau du dialogue, qui a beaucoup de psychologie ou qui a beaucoup d'intuition, puis qui est capable de voir les problèmes chez une personne. Souvent, les personnes qui viennent en contact avec ces êtres-là sont mesmérisées un peu par elles, par eux, se soumettent un peu à leur présence, puis automatiquement sapent leur énergie. Une personne qui conseille, une personne qui est dans une position de conseiller une autre, doit toujours maintenir son indépendance d'esprit. Puis, plus elle est consciente, plus ça devient nécessaire qu'elle le fasse. Il n'y a rien de plus indépendant chez un... Il n'y a pas d'être plus indépendant d'esprit qu'une personne consciente. Ça fait partie de la conscience d'être indépendant d'esprit. Par contre, une personne qui est en voie d'évolution de conscience, qui passe par tout le cheminement spirituel qu'on connaît aujourd'hui, ne voit pas ça, ne voit pas ces dangers-là. Et souvent, les gens qui sont dans leur rayonnement, qui bénéficient techniquement de leur présence, de leur conseil, ces gens-là les vampirisent. Donc, c'est à la personne consciente de voir ça. Si elle ne le voit pas, comme je dis, mais ça l'affecte au niveau de ses énergies, puis ça empêche l'autre d'aller plus loin, parce que on ne peut pas régler les problèmes des autres. On peut leur jeter de la clarté sur un problème, on peut leur expliquer un problème, mais l'homme, il faut qu'il passe à une autre étape par lui-même, il faut qu'il brise par lui-même ses propres limites, il faut qu'il défende ses propres limites. De la conscience, c'est ça de la conscience. Si on parle de l'évolution, le passage de la conscience psychologique à la conscience vibratoire ou la conscience psychique ultimement, ça nécessite le dépassement, la rupture de nos plafonds. Parce que l'homme, c'est une boulimie de crainte. Le problème, d'ailleurs, le seul problème de l'homme sur la Terre, c'est ses craintes. Et l'homme vit la boulimie de la crainte. L'homme est plein de crainte à tous les niveaux. Puis, si vous conseillez des personnes qui vivent de la crainte, d'ailleurs, les problèmes créent de la crainte, les problèmes créent de l'ambivalence, mais ces gens-là qui vivent de la crainte ont tendance à s'accrocher, et vous ne pouvez pas vous permettre de laisser les gens s'accrocher à vous autres longtemps, parce que vous les aiderez pas. Vous pouvez pas les aider. Il faut qu'ils en arrivent éventuellement lorsqu'ils sont suffisamment renforcés à plonger dans le vide, puis à prendre des décisions, puis à aller de l'avant. Sinon, ça devient une forme d'ascendance. Pour moi, ça devient de l'utilisation. Si on utilise des gens, c'est de l'exploitation des gens. Parce qu'il y a beaucoup d'exploitation spirituelle de l'homme aujourd'hui. Beaucoup de gens sont exploités spirituellement. Puis, il faut faire bien attention à ça. Qui sont exploités parce qu'ils ont des problèmes, se confient, puis automatiquement... Il y a la barre. Beaucoup de gens sont exploités spirituellement. Une personne consciente, une personne intelligente, qui donne des conseils à une personne qui en a besoin, doit garder d'une façon très, très ferme, son indépendance d'esprit, doit être libre de cette personne-là qu'elle aide. Souvent, ces gens-là reviennent, puis un jour, il faut que tu coupes. Parce qu'une personne qui évolue, c'est intéressant de conseiller une personne qui avance. C'est intéressant, c'est plaisant. Mais conseiller une personne qui avance pas, puis qui se retrouve toujours dans la même situation, tu regardes un an plus tard, puis deux ans plus tard, puis trois ans plus tard, puis quatre ans plus tard, puis c'est rien repassé. À ce moment-là, c'est une perte d'énergie énorme pour une personne sensible. Bon, ça m'amène à la question. Une personne qui a un problème, qui écoute un conseil, qui reconnaît dans le conseil une intelligence et qui va agir sur le conseil, comment ça se fait qu'elle n'a pas trouvé la solution par elle-même? Si incapable de reconnaître dans l'autre l'intelligence du conseil. Une personne peut reconnaître le conseil, l'intelligence chez une personne, mais pas être nécessairement capable d'agir rapidement sur le conseil qui est donné. Faut que ça prenne une crise. Pour changer d'envie, ça prend une crise. Même si vous conseillez une personne, elle ne pourra pas passer à l'action. Elle va passer peut-être un petit peu à l'action, mais elle ne pourra pas passer à une grosse action. Pour passer à la grosse action, c'est-à-dire à changer complètement sa vie, puis à se réorienter, puis à défoncer son plafond, puis à éliminer ses craintes, puis à se prendre en main, ça demande une crise. Puis la crise, ça fait partie de la programmation. Puis souvent dans ce temps-là, mais quand la personne vit une crise puis qu'elle passe à travers sa crise, là elle regarde en arrière puis elle dit il me l'avait dit ou cette personne-là m'en avait parlé puis elle avait raison. Mais c'est pas quand on donne le conseil tout de suite là que la personne passe à l'action. Il y en a des gens qui sont capables de passer à l'action rapidement, mais ce sont des gens qui ont des liens karmiques très très rapprochés avec ces êtres-là. Mais des gens qui sont simplement là dans votre vie là par accident là. Ou qui vivent des liens karmiques réellement astralisés, là, qui ne sont pas des liens karmiques ascensionnels, des liens karmiques de haute vibration, ces gens-là ne sont pas capables de passer à l'action rapidement. C'est pas que c'est sinon, d'ailleurs, l'évolution de l'homme. Sans ça, l'homme évoluerait très rapidement. Donc, ça prend la crise. Donc, en soi, Bernard, ça veut dire qu'une forme de conseil quelconque, c'est jamais opérationnel dans le temps où c'est exprimé si la personne n'est pas en situation de crise. Surtout si c'est d'ordre émotionnel. Plus c'est d'ordre émotionnel, plus c'est difficile pour l'homme de passer à l'action. Parce que les émotions engendrent la crainte. La crainte, c'est tout fait de ça. Fait que l'être humain n'est pas capable de saisir le moment de vérité, autrement dit, le moment de son intelligence puis de sa actualité. Ça prend la crise. Moi, c'est pour ça que je suis totalement en faveur des crises. Les crises que la vie nous donne pour aller plus loin. Parce que les crises sont réellement des passages à un autre niveau en potentiel. Puis une personne qui est intelligente peut utiliser ces moments-là, ces points-là, c'est dans son histoire personnelle. Puis là, réellement, passer à un autre niveau. Puis en arriver un jour à prendre sa vie sous son contrôle. Parce que vivre, être conscient, ça veut dire être capable de prendre sa vie sous son contrôle. Mais l'homme ne prend pas sa vie sous son contrôle. Puis ça demande beaucoup d'énergie pour prendre sa vie sous son contrôle. Parce que la vie, c'est très occulte. L'homme vit la vie par rapport à des principes ou des paramètres psychologiques, des paramètres historiques, la mémoire de la race, tout ça. Mais dans le fond, la vie, c'est très, très occulte. Puis, d'ailleurs, pourquoi la conscience commence chez l'homme quand il entre dans l'occulte de la vie? Justement parce que là, il y a la chance, il est en position dans un sens pour réellement connaître et comprendre la mécanique astrale de sa conscience évolutive. Là, à ce moment-là, il peut réellement commencer à comprendre la vie puis éventuellement saisir le facteur nécessaire, implosif et explosif des crises pour réellement transmuter ses énergies. Mais l'être qui fonctionne simplement psychologiquement par rapport à la vie, là, qui se fait taper à gauche puis à droite, puis à gauche puis à droite, puis qui se fait toujours constamment manipuler, puis qui n'est jamais capable de sentir que la vie est sous son contrôle, c'est lui qui mène. Cet homme-là n'a pas de conscience des lois occultes de la vie. Donc, si vous lui donnez des conseils à cette personne-là, les craintes vont venir en surface, puis les craintes vont le paralyser, et ainsi de suite. Tandis qu'une personne qui a une certaine conscience ou qui a une certaine compréhension des lois occultes de la vie, éventuellement, va en arriver à briser ces craintes-là et se servir des crises comme source d'énergie. Une crise, ça devrait toujours être utilisé comme source d'énergie. Mm-hmm. Les gens réagissent aux crises au lieu d'agir avec les crises. Mm-hmm. Puis, une personne qui agirait constamment sur ses crises là, au cours de son évolution matérielle, là, il en arriverait au bout de quelques années à avoir sa vie sous son contrôle, au niveau du travail, au niveau de ses amours, au niveau de son intimité. La vie, ça se contrôle. Vous savez, Bernard, je vous écoute, une personne qui est consciente, elle n'a jamais besoin de conseils. Non. Parce qu'elle, c'est la crise qui est sa dynamique. Une personne consciente est capable de se conseiller toute seule. Ça se voit. OK. Donc, la personne qui a besoin de conseils, c'est une personne qui a comme besoin de quoi? D'un avertissement avant la crise ou... Une personne qui a besoin de conseils, c'est parce qu'elle... Il n'y a pas suffisamment de relation entre son psychisme et son psychologique. De sorte qu'elle manque de lumière dans sa psychologie, donc elle manque les fines perceptions que seul le psychisme peut lui apporter. Donc, elle fait des erreurs psychologiques. Une personne qui est simplement psychologique, elle passe son temps à faire des erreurs psychologiques. On regarde les psychologues, ça fait de vous des erreurs psychologiques. C'est pas parce que t'es psychologue que t'es intelligent. Tu peux être efficace, mais t'es pas nécessairement créatif parce que t'es psychologue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de... Il n'y a pas de pont créé entre le psychologiste et le psychiste. Le psychiste, c'est l'esprit. Le psychologiste, c'est l'âme, c'est la personnalité, c'est les aspects inférieurs de l'être, c'est la mémoire de la race. Tandis qu'une personne qui a une certaine conscience, mais le pont est créé entre le psychiste et le psychologique, donc elle est capable de se nourrir à sa propre source. Finalement, elle n'a plus besoin de conseils. Puis, en plus de ça, cette personne-là, parce qu'elle est très, très proche de sa source, peut facilement donner des conseils créatifs utiles à d'autres personnes. Donc, on devient facilement voyant de l'homme. On peut voir les problèmes de l'homme facilement. On peut avoir de la voyance de l'homme, temporelle ou extratemporelle, ainsi de suite. Mais voir pour un autre, être capable de voir dans la vie de l'autre, ce n'est pas retarder la crise qui est nécessaire pour l'autre? Tu peux voir dans la vie de l'autre sans dire. Ah, OK. Donc, c'est une personne qui est consciente. Une personne qui est consciente, qui a une voyance mentale, ce que j'appelle une voyance mentale, en contradistinction avec la voyance astrale des médiums qu'on rencontre dans le monde, là, qui aiment ça placoter, là, donner de l'information, mais qui n'ont pas nécessairement de psychologie créative, dans le sens que ils ne savent pas utiliser l'information qu'ils ont de façon créative, mais ils l'utilisent parce que ça fait partie de leur travail, ça fait partie de leur fonction karmique, ça fait partie de leur service à l'humanité, ainsi de suite, là. À ce moment-là, une personne consciente qui a une voyance mentale ne l'utilise presque pas, sa voyance mentale. Vous amenez souvent le phénomène de ne pas croire dans la relation avec différentes formes d'idéologie. Est-ce que ce traitement-là, là, de ne pas croire pour en arriver à une forme de conscience, ça s'applique également aux conseils qu'on reçoit? Quand une personne nous donne un conseil qui est intelligent, est-ce que le phénomène de ne pas croire s'applique également à ce niveau-là? C'est le phénomène d'écoute qui s'applique. Quelqu'un donne un conseil, ça a de l'allure, mais t'écoutes, tu regardes, puis t'essaies de l'appliquer. C'est pas l'affaire de croire. Où le phénomène de croire devient important pour l'homme, autrement dit, où le phénomène de ne pas croire devient important pour l'homme, c'est pas dans ses relations avec les hommes, c'est dans ses relations avec les forces occultes. Qu'on croit à l'homme, que l'homme nous dise quelque chose, puis qu'on le croit, c'est un moindre mal. C'est pas dangereux croire un homme. Mais ça devient dangereux de croire un homme qui est en contact avec des forces occultes, parce que les forces occultes agissent à travers lui. Donc, croire sur le plan psychologique, c'est pas dangereux, c'est pas grave. Mais croire sur le plan psychique, c'est grave, c'est dangereux. Et à ce moment-là, c'est une sécurité qu'on se donne de ne pas croire. Mais en relation avec les conseils qui sont d'ordre psychologique entre les hommes, quelqu'un qui te parle puis qui dit quelque chose, qui t'instruit dans un sens par rapport à une démarche quelconque à suivre pour te sortir d'une situation, c'est pas une affaire de croire, c'est une affaire d'écoute. Fait que si ça a de l'allure, ça a de l'allure. Seulement, ça veut pas dire que parce que la personne est intelligente et qu'elle te dit quelque chose d'intelligent, que tu auras nécessairement la force de te mettre en action. Ça prendra une crise pour te mettre en action. Et surtout si c'est proche des émotions, là. C'est connecté aux émotions, le conseil. Là, c'est plus difficile. Bon, quand vous recevez un conseil en temps normal, ça s'adresse au mental. Qu'est-ce qui peut faire la difficulté, qu'est-ce qui peut rendre une difficulté à descendre ça au niveau du corps émotionnel? Parce que souvent, la problématique du problème est liée au corps émotionnel. Qu'est-ce qui peut faire que c'est difficile de descendre ça au corps émotionnel? On n'a pas de vibration. Le corps mental n'est pas en vibration. Okay. Quand le corps mental est en vibration, c'est facile de passer à l'action. Mais quand le corps mental n'est pas en vibration, puis chez l'homme, le corps mental n'est presque pas en vibration. Qui fait ça? Le corps mental n'est pas en vibration parce que l'homme n'a pas été allumé. Il n'a pas été allumé par sa source. Il n'a pas été allumé par les forces occultes de sa conscience mentale. Donc, le corps mental n'est pas en vibration. L'homme fonctionne sur un plan psychologique. Il ne fonctionne pas sur un plan psychique. L'être humain, tous les hommes sur la Terre fonctionnent sur un plan psychologique. Il y a très peu d'hommes qui fonctionnent sur un plan mental intégral. Donc, c'est très difficile pour l'homme de passer directement à l'action parce qu'ils n'ont pas le feu. Ils n'ont pas leur propre feu. Quand le corps mental est en vibration, ce qui met ton corps mental en vibration, c'est le feu cosmique, c'est ton feu universel, c'est ta connexion avec le plan mental, c'est ta connexion avec la source, c'est ta connexion avec le double. Ça transcende l'intellect, ça met de côté les émotions, ça crée un passage rapide à l'action. Tandis que l'homme, lui, est le produit d'un mécanisme de réflexion constant. L'homme réfléchit constamment. Il analyse, il a élevé l'analyse à un niveau d'importance philosophique tellement fondamental qu'aujourd'hui, on a la science de la psychanalyse qui est basée sur l'analyse. On l'a même appelé la psychanalyse, analyser le psyché. Puis, l'homme ne peut pas s'analyser. Tu peux analyser des circonstances extérieures, mais tu ne peux pas t'analyser parce que le psychisme de l'homme, ça ne s'analyse pas. Ça sait, ça se perçoit. On va le chercher par vibration, mais ça ne s'analyse pas. Analyser, c'est une fonction. L'analyse, c'est une fonction mécanique du mental inférieur. Ça ne fait pas partie du mental supérieur. Le mental supérieur n'analyse jamais rien. C'est totalement instantané. Mais pour que l'homme puisse supporter l'action du mental supérieur, il faut qu'il soit en vibration. Il ne faut pas qu'il y ait d'émotion, là. Autrement dit, l'analyse, c'est un buffer. L'analyse, c'est un mécanisme de protection psychologique contre le psychisme de l'homme. La raison pour laquelle on s'analyse ou qu'on analyse, c'est parce qu'on a peur de la vision intégrale de qu'on pourrait voir, de ce qu'on pouvait, ce qu'on pourrait recevoir comme information. C'est pour ça qu'on s'analyse. Dans le fond, de l'analyse, c'est de l'hypocrisie logique de l'ego. Ça ne règle pas aucun problème, en tout cas. Mais ça ne règle pas un problème. Ça permet des problèmes de se déplacer. Ce changement. Tu déplaces les meubles dans la pièce. Analyser, c'est déplacer les meubles dans la pièce. Fait que le gars, il dit, bon, ben, j'ai analysé ma situation aujourd'hui. J'ai mis le meuble là, puis j'ai mis ce meuble là, puis j'ai mis ce meuble là. Puis le lendemain, puis il analyse encore, puis là, je l'ai mis là, puis là, je l'ai mis là, puis là, je l'ai mis là. Tandis que le gars, lui, qui analyse pas, l'homme qui analyse pas, qui a un mental, hein, vibratoire, il vit les meubles, il fait disparaître. Bon, il n'y a plus. Mm-hmm. Fait que c'est plus pareil. Je comprends la crise, là. C'est ça. La crise t'amène à pouvoir. Oui, oui, oui. Ça veut dire qu'une vibration, quand vous êtes mis en vibration, ça transcende l'analyse, ça dépasse l'analyse. Mmh. La vibration, ça détruit l'analyse. Ça fait simplement agir. Ça pousse l'individu à une forme d'action. Ça pousse l'individu à l'action intégralement, sans émotion subjective. Mais ça demande le passage à travers des crises. Quelqu'un ne peut pas t'amener à ça en te parlant. C'est la vie qui t'amène à ça. Qu'on comprenne les mécanismes derrière ça, qui font souvent partie d'une initiation solaire, OK. Mais c'est la vie qui t'amène à travers ça. Tandis que l'analyse, elle, c'est simplement des champs. Moi, je regarde des gens, je les connais depuis 10 ans, 15 ans, 3 ans, 4 ans, 20 ans, puis ils sont encore à la recherche d'eux-mêmes. Tu peux pas te rechercher indéfiniment. Un jour, il faut que l'homme arrête de chercher. Mais pourquoi est-ce qu'il cherche? Parce qu'il s'analyse. S'analyser, ça veut dire. Je ne blâme pas les gens pour s'analyser. C'est un fait. Ça fait partie du phénomène humain évolutif. Mais je dis qu'un jour, il faut que l'homme arrête de s'analyser, puis qu'il passe dans un état mental vibratoire. Pour ça, il faut qu'il apprécie les crises. Pas le sens des léchés. Mais quand il y a une crise, une autre crise. Fait qu'éventuellement, tu deviens habitué à dealer avec les crises, puis éventuellement, tu deviens un manager de crise. Tu fais de la gestion de crise. Puis éventuellement, des crises, il n'y en a plus. Un jour, tu as réglé tes problèmes, tu as réglé tes problèmes de job, tu as réglé tes problèmes d'amour. Quand c'est réglé, tes problèmes de job, tes problèmes d'amour, tu ne risques plus avoir de problèmes de santé. Mmh. Tant que tu n'as pas réglé tes problèmes de job, tu n'as pas réglé tes problèmes d'amour, mais tu risques d'avoir des problèmes de santé. Les gens disent, j'ai des problèmes de santé, mais règle tes problèmes de job, puis règle tes problèmes d'amour, tu n'auras pas de problèmes de santé. Mmh. Là, moi, il y a deux gros karmas sur la planète, c'est l'amour et le job. La job pour les hommes, l'amour pour les femmes. Tu dirais que ça, le grec? Vous parlez de gestion de la crise, Bernard. On a tendance à dire, oui, mais gérer une crise, dans une crise, on vit du doute. Ah, ouais, mais le doute, ça fait partie là, ça fait partie du passage au plan mental. C'est évident que l'homme vit du doute. Puis éventuellement, l'homme n'en vivra plus de doute. Quand il va avoir suffisamment géré de crise, qu'il va voir qu'il est bon. La raison que vous avez du doute quand vous gérez des crises, parce que vous sentez pas votre maîtrise, mais quand l'homme va sentir sa maîtrise, quand il gère une crise, il règle la crise, éventuellement, du doute, il n'y en a plus. C'est comme des arts martiaux, ça. Un gars qui a une ceinture noire, il n'y en a pas de doute. Bon. Parce qu'un gars qui fait des Olympiques, il n'y en a pas de doute. Il a détruit le doute au cours de son initiation. Bon, c'est la même chose pour un homme conscient. Éventuellement, du doute, t'en as plus. Mais tant que l'homme a du doute, mais il retombe sur l'analyse, puis analyse. Il y en a qui vont s'analyser toute leur vie. Les Américains, c'est rendu un sport pour eux autres. Ils ont tout le psychiatre, ils sont tous malades. Gérer une crise, est-ce que ça part du principe de la prise de décision? Vous prenez une décision, puis vous commencez, vous affrontez la crise dans une prise de décision. Est-ce que c'est amorcé? Gérer une crise, dans le sens de gérer une crise, là, oui, tu vas gérer la crise, là, gérer une crise, ça veut dire d'avoir plein de cul. Quand tu n'as plein de cul, tu gères une crise. Mais tant que tu n'as pas plein de cul, tu n'es pas capable de gérer une crise. Oui, mais dans le plein de cul, il faut prendre des actions. Là. Quand tu as plein de cul, tu as le feu dans le cul pour prendre des actions. Occupe-toi pas de l'action, elle va se prendre ça. Elle se prend tout seul. Mais oui, vous avez le feu dans le cul, vous avez une de la poudre. Donc, ça prend du feu dans le cul. Quand tu as le feu dans le cul, tout marche. Tu allumes une allumette. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter que c'est que tu vas brûler avec. Voyons, c'est très. Mais c'est le faux cul qui vous manque. Fait que les gens dans le. L'homme n'a pas le faux cul parce que l'homme ne connaît pas les lois occultes. L'homme. On n'a jamais été. On n'a pas été éduqué pendant l'évolution à connaître les lois de l'invisible. Ça a été caché par les religions, ça a été caché par les. Je ne sais pas, mais ça a été caché, ou ça a été astralisé. Ça commence à sortir à la fin du 20e siècle. On aurait dû avoir ça en temps des Grecs. Ça fait que les lois, l'homme pense que c'est un être uni. Clinton, les gouvernements, tous les problèmes viennent de l'invisible. L'invisible, c'est la seule réalité. Ce qu'on vit ici, c'est simple l'extension de ça. Il est temps qu'on se réveille. Comment qu'on arrive à régler le problème de ne pas voir dans l'invisible? C'est pas de voir. On n'a pas besoin de voir dans le sens au niveau visuel dans l'invisible, mais on a besoin de comprendre les lois de l'invisible à partir d'abord. Commencer par le plan mental d'abord. Commencez par le plan mental, commencez par les pensées d'abord. Si vous êtes boulimique, vous êtes anorexique, vous vous faites commander, comme réaliser que la voix qui vous commande, ça vient pas de votre cul, ça vient de quelque part. C'est une entité, puis traitez avec l'entité comme si vous traiteriez avec une personne. Fait que si vous feriez chier par une personne, vous dealeriez avec, vous écrisseriez un coup de poing sur la gueule dans le plan physique. Au niveau de l'entité, c'est la même chose. Tu peux pas écrisser de coup de poing sur la gueule, mais tu peux dealer avec elle au niveau de la parole. Fait qu'éventuellement, tu prends le contrôle, tu brises ça, puis éventuellement, l'entité disparaît, puis là, finalement, tu te guéris. Fait que, il va falloir, d'ailleurs, ça fait partie de l'évolution. Au cours de l'évolution, l'homme va réaliser que l'invisible est beaucoup plus présent dans sa vie, qu'il pense, ou qu'il a pensé, ou que les pères des philosophies, puis les pères des systèmes, puis les pères de l'Église nous ont expliqué, ou les scientifiques nous ont expliqué dans le passé. Ça fait partie de l'évolution. Là, l'homme gérera les crises au niveau individuel, au niveau des gouvernements, puis au niveau planétaire. Est-ce que vous considérez que les entités sont les manipulateurs de toute la forme de problématiques que l'être humain peut avoir à vivre, autant du côté, comme vous avez dit, sentimental que professionnel? Est-ce qu'on rejette la faute là, sur la dynamique astrale des entités? Et qu'à ce moment-là, il faut savoir comment traiter avec une entité pour régler un problème? Est-ce qu'on peut s'engager à affirmer ce point-là? Toute pensée vient d'ailleurs. Primo. Toute pensée qui n'est pas intelligente, elle vient d'ailleurs sur un plan inférieur. Donc astral. Astral. Donc toute pensée qui est intelligente, ça devient une invasion de notre territoire psychique. Donc ça devient un viol. Tu n'es pas supposé d'avoir des pensées connes dans ta tête. Fait que si tu as des pensées connes dans ta tête, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans ta tête, quelque part, sur un autre plan, qui te met en vibration, qui te passe des pensées. Les pensées, c'est pas physico-chimique, la pensée. La pensée, ça vient pas du cerveau mécanique. La pensée, ça vient d'ailleurs. La pensée, c'est intemporel. Donc, intemporel, tu connectes avec l'intemporel, tu connectes avec le matériel, puis nous autres, on reçoit le tas. Mm-hmm. On reçoit le tas depuis des siècles. Fait qu'on est dans la mer. C'est évident. Fait que, il va falloir qu'il y ait des changements au cours de l'évolution, que l'homme commence à faire des études profondes, puis ça commence, là. Il commence à avoir des changements. Dalai Lama vient faire son petit tour, là, puis des gens commencent à étudier d'autres formes de médecine. Il y a tout ça, des mouvements parents qui se font dans le monde. Ça se fait graduellement, c'est au cours des générations, là. Fait qu'éventuellement, ça va casser toutes les formes solides qui ont gardé l'homme dans une forme d'ignorance pendant l'évolution, qui faisait partie des pouvoirs temporels puis des pouvoirs spirituels. Donc un jour, l'homme va commencer à se dégager, puis l'homme va commencer à pouvoir affronter des plans de connaissances qui sont réellement troublants pour l'esprit analytique aujourd'hui. Le problème avec l'être humain, c'est qu'il a peur de penser des pensées réellement créatives. Il a peur de s'ouvrir. Il a peur d'ouvrir la machine. Vous aimez ça ouvrir la machine quand vous avez des Ferrari, mais vous avez... Mais au niveau de la pensée, vous préférez vous promener dans vos petits Chevrolet. Fait qu'un jour, l'homme, il va l'ouvrir, la machine. Puis l'homme commence à l'ouvrir, la machine. Moi, je l'ouvre, il y en a d'autres qui vont l'ouvrir. Puis quand la machine va être bien ouverte, l'homme va s'apercevoir qu'il ne se passe pas grand-chose à la planète Terre sans que ça ne soit pas coordonné à partir des plans temporels. Puis l'homme va s'ajuster à ça. Fait que c'est là que l'homme va développer une conscience, non seulement psychologique, pour fonctionner dans le matériel, mais aussi psychique pour comprendre l'invisible. Puis après ça, l'homme va aller plus loin, puis plus loin, puis plus loin, puis plus loin. Puis au lieu de simplement utiliser un corps matériel, mais l'homme utilisera d'autres corps plus subtils pour travailler, pour investiguer la réalité, ses autres plans, puis évoluer. Pour rendre évident la conscience des plans, ça commence où, Benman? Pour rendre évident pour un individu des plans, qui a une conscience psychologique, là, c'est qui traite, lui, avec la psychologie, là, puis la mémoire des autres, là, puis la vie là, telle qu'elle est. Comment qu'on en arrive à développer une conscience des plans et à en vivre une évidence, à saisir l'évidence? Un bon truc, c'est d'écouter de temps en temps, puis en piger une, en recevoir une pensée qui est conne, là. Ouais. Puis la mettre en échec tout de suite. Oui. Si l'homme s'habitue à traiter les entités sur les autres plans comme des adversaires, okay, au lieu comme des amis puis des alliés, ce que les médiums ont fait pendant des siècles puis les ésotéristes ont fait pendant des siècles. Si l'homme commence à réaliser que l'invisible, faut qu'il traite comme un adversaire, à ce moment-là, bien, il va aller chercher une force dans des plans supérieurs pour en arriver éventuellement à tout faire éclater ces égrégores d'énergie-là. Puis là, il va passer à un mental supérieur. Mais il faut que l'homme traite. Moi, si je recevais, si j'avais une pensée dans ma tête, comme, je sais pas moi, t'éteins sans dessin, je dirais, veux-tu manger de la marde, te calisse? Puis là, ça arrêterait. Parce qu'il arrête. Il arrête. Là, c'est vite, vite après ça. Puis après ça, ils reviennent. Là, t'es test. C'est ça qu'on n'a pas. C'est ça qu'on. Ces secrets-là nous ont jamais été dévoilés. Quand une pensée conne dans tout, même pas toi qui te penses, comment tu t'appelles, Daniel Ménard? Si tu as une pensée conne dans ta tête, comme. Supposons que tu avais une pensée qui disait, j'étais un gros cochon. OK? Ouais. C'est toi qui penses qu'il est un gros cochon, moi, c'est une pensée qui vient dans ta tête qui dit qu'il est un gros cochon, puis que toi, en tant qu'homme, en tant qu'ego, tu te regardes la bédaine, puis tu dis, c'est vrai, je suis un gros cochon. Ouais, tu veux dire? Ça sera con. Ça sera con, se faire astraliser. Oui. Tandis que comme tu connais la game, si tu avais une pensée dans ta tête qui disait que tu étais un gros cochon, tu te remanges donc de la merde. Fait que la pensée, elle casserait. Oui, elle pourrait revenir. Elle pourra revenir, effectivement, mais t'auras le contrôle. Oui, je comprends. C'est ça que je veux dire. Tandis que nous autres, on vit des pensées toutes les heures. Je peux imaginer ce que le monde pense. Ouais. Hein? Ouais. Puis le monde, il nourrit ça, puis il joue avec ça, puis il rationalise. Puis il analyse ça. Il analyse ça. Je suis un gros cochon. Ouais, pourquoi je suis un gros cochon? Parce que mon père, c'était un petit cochon. Ma mère, c'était une guidonne. Mon grand-père. Ah. Mais. C'est parce que sur le stage, on comprend ça. On arrive dans la rue, et puis là, les personnes, tu sais, une personne reçoit une pensée, puis. Donc, elle se mettrait à l'exprimer verbalement, comme ou pas. Bon, tu le fais dans ta tête? Ouais. Oh, vous êtes promené sur la rue, parlez pas. C'est ça, là, Bernard, ça, c'est. On dirait qu'il faut avoir déjà fait un bout de chemin avant de commencer à fighter avec la personne. Ça donne le principe. Oui, ça fait partie des conseils à prendre. Puis, il faut une crise pour pouvoir l'appliquer. Ouais. Mais c'est à partir de là que l'évidence se fait. Comment est-ce qu'un être humain, je comprends, mais comment est-ce que j'explique le principe, en revers, comment est-ce qu'un être humain peut se faire vidanger de la cochonnerie dans sa tête de même, ouais, puis l'analyser? Ben, l'analyser, ça veut dire l'admettre que c'est de ta faute, ouais, que c'est la faute de ton père, que c'est la faute de ta mère. Ouais, mais toutes ça fait partie de la stratégie. Toutes les personnes, Bernard, depuis leur enfance, se sont faites endoctriner. Ben ouais, mais. C'est toutes les formes. C'est devenu normal, ben oui, mais d'avoir ces pensées-là, ben oui, puis d'en prendre la responsabilité. Je te parle de l'évolution, là. Je te dis pas ce qui ouais. C'est pas parce que toute l'humanité était dans la marde, puis que toute l'humanité a jamais rien compris, que moi, il faut que je comprenne rien. J'explique comment ça marche. Ah non, je comprends. Bon, on est dans la marde, temps de la planète Terre aujourd'hui, à la fin de l'évolution. Parce que ça nous a jamais été expliqué, puis ceux qui l'ont su, ça a été gardé tellement secret, ces affaires-là, parce qu'ils se seraient fait passer pour des cons dans le temps. Tandis que là, à cette heure, c'est plus facile d'ouvrir la machine. Mais la machine, faut qu'elle se roule. Faut que l'homme sache que quand il vit des pensées qui sont ce que vous appelez, vous autres, des pensées tordues, là, négatives, whatever, là, que faut que le gars traite avec ça comme si c'est un ennemi objectif, puis c'est un ennemi objectif. Il y a des gens qui sont voyants, qui sont dépendants au niveau du corps astral, puis qui voient des entités dans leur maison, dans leur chambre. Mm-hmm. Quand tu es rendu, que tu vois ces entités-là dans ta maison, comment c'est grave? Mm-hmm. Dans ta soupe. Qui reste le plan, ce monde-là? Fait que, il va falloir un jour, c'est ça d'ailleurs, la psychologie supplémentaire, il va falloir un jour que l'homme admette ça, réalise ça. Une fois que tu commences à comprendre ça, Après ça, c'est juste une affaire de temps pour en arriver à prendre le contrôle. Il faut que tu prennes le contrôle. Ça, ça, tu finis comme l'ortie là, Québec, qui se fait dire dans sa tête de tirer le monde, puis l'autre, là, qui se fait dire de tirer le monde. Tout les fous qui se promènent la même chose. Ils ont des commandements à partir de la l'astral. Puis les psychologues, ils ne nous aident pas parce que les psychologues, ils nous disent des hallucinations. Fait, les psychologues, où ils pourraient nous aider, ils ne nous aident pas. Fait que si les psychologues ne nous aident pas, il faut qu'on s'aide soi-même. La même chose avec les filles qui souffrent d'anorexie et de boulimie, là. Bon, lutter contre la pensée. Une pensée qui vient, tu luttes avec la pensée. L'état de combat, le climat de combat, pour avoir la force de faire face à ces pensées-là, parce que ça se passe tout dans la tête, là. Les pensées qui doivent faire face aux pensées viennent d'où, eux autres? Les pensées qui font face aux pensées viennent de ta source. Ils viennent de ton intelligence. Ils viennent de ta lumière. On peut-tu être assez voilé dans la vie pour ne pas avoir accès même à notre source pour pouvoir s'attaquer à nos pensées? Ça, c'est une question intéressante. Une question intéressante. C'est des questions que les gens se posent à un moment donné. Qui est-ce qui me dit que c'est ma source pour faire face à la pensée? Moi, je vais te donner la réponse à ça. La réponse à ça, c'est quand tu as un ennemi et tu réagis à cet ennemi-là, du moment que tu réagis, c'est bon. Donc, une personne qui se fait... Excusez si je parle gras, ouais, mais il faut que je parle gras parce que ça sert. Une personne qui se fait chier mentalement, il faut qu'elle soit capable de se défendre. Mm-hmm. Fait que moi, si je me faisais dire que j'étais un gros cochon, je dirais « mange donc de la merde ». Ou je dirais « qu'est-ce que t'es, toi ?» Il faut les dévoiler, ces entités-là. Vous autres, vous pensez, le monde pense que des entités, c'est des petites fumées. C'est de l'intemporel. C'est des entités, ils sont sur un autre plan. Quand tu crèves, tu t'en vas là. T'as une job, tu t'en reviens ici. Ils te connectent avec nous autres. C'est l'histoire de l'évolution, c'est l'histoire de l'humanité. C'est pour ça qu'on est si con. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on n'a pas de connaissance de soi. Que l'homme ne se connaisse pas, ça n'a pas d'allure. C'est normal dans le cadre de l'évolution. Mais on était bourrés, on était saturés jusqu'aux oreilles de conneries, puis de conneries, puis de conneries. Puis on est rendu à un point qu'on a analysé des conneries à un point qu'on a fait des systèmes philosophiques extraordinaires. Puis on apprend ça à l'école. Fait que comment est-ce que... D'ailleurs, c'est pour ça que je dis tout le temps, l'évolution de la conscience ou de la conscientisation de l'homme ou l'individualisation de l'homme, ça se fera sur une base individuelle, ça se fera jamais sur une base collective. Ça sera sur une base individuelle, ça ne sera jamais sur une base collective. Jamais. C'est impossible. Il n'y a rien qui peut passer par une instruction, une information sur une base collective. Non. Ça sera sur une base individuelle. Ben, on parle, on est dans une collectivité aujourd'hui. Non, ça se fait dans chaque individu. Qu'est-ce qui se passe, c'est une information. Tu ne peux pas créer des systèmes de ça. Chaque individu doit brancher avec sa source seule. Faut que chaque individu branche avec sa source seule. Même pas par l'intermédiaire d'une personne. Ouais. Ça se passe comment, maintenant, la connexion, là? Seule, évidemment, parce que... Ça dépend des entités que vous avez, ça dépend de l'astral que vous vivez, ça dépend de jusqu'à quel point vous êtes coloré astralement. Il y a des entités qui sont très, très intelligentes. Moi, j'ai parlé avec un médium une fois, là. Puis lui, il avait, je sais pas qui c'est qu'il avait, il était accroché à un jésuite. Un vrai orgueilleux, un jésuite orgueilleux, celui-là est orgueilleux. Puis la seule raison que le jésuite me parlait, c'est parce qu'il pouvait pas me parler. T'es obligé. Fait qu'imagine-toi une personne normale là, qui veut faire parler le jésuite. Il n'aurait pas parlé le jésuite. C'est comme un avocat. Moi, je me considère comme un avocat. Autrement dit, quand je travaille avec les clients ou à travers des médiums ou directement, je suis comme un avocat. Je suis un bon avocat. Je suis top scotch avocat. Fait que laisse-moi dire que mes causes, j'ai gagné. OK, c'est une façon de parler. Fait que essaye pas de me fourrer ces plans, je passe à travers. Parce que je connais la game. C'était l'affaire de lumière, ça. Fait qu'ils sont obligés de te répondre. Mais une personne qui n'a pas l'expérience, qui n'a pas la sensibilité, qui n'a pas la conscience, ben, il ne parle pas. Fait que la petite fille, le petit gars, là, qui a le souhait dépenser toutes sortes. Je donne un exemple. C'est quelqu'un qui a un gros complexe d'infériorité puis qui pensait toujours qu'il vaut rien. Supposons, c'est le même exemple. Mm-hmm. Tu penses, ah, je vaux rien. Puis il utilise le jeu, je l'ai déjà expliqué, je vaux rien. Mm-hmm. S'il utiliserait dessus, ça serait plus facile d'identifier la game. Il utilise le jeu, ce qui fait encore partie de l'illusion évolutive du mental inférieur. Mais le gars qui se fait dire « je vaux rien », qui questionne « je vaux rien », qui c'est qui me dit ça « je vaux rien », ça vient d'où ça « je vaux rien », puis après ça, il verrait que ça arrête, hop, puis qui pousse plus loin, là, la technique d'agression intérieure pour faire sortir cette entité-là, pour se la faire dévoiler pour qu'un jour elle cause. Éventuellement, il passe, puis on arrive à avoir une certaine conscience. C'est universel, ça. Chinois, américain, français, allemand, c'est toute la même game pour tout le monde. Le phénomène de la pensée réfléchie sur la Terre est exécuté à partir de l'astral pour toutes les races sur la planète. C'est composé de quoi, une entité? Une entité, c'est composé de mémoire. Strictement. C'est composé de mémoire strictement. Ils n'ont pas de pensée, ils ne peuvent pas penser. Quand tu meurs, tu ne penses pas. La pensée est connectée avec le cerveau matériel sur la Terre. Quand tu meurs, tu ne penses pas. Mais tu demeures cette mémoire-là. Qui vivent en fonction de cette mémoire-là, puis ils ont accès au mental humain à travers la pensée. Est-ce que ça veut dire que... Un homme qui a beaucoup de lumière, mais il va avoir beaucoup plus, il va avoir beaucoup plus de pensées créatives que de pensées négatives. Mais aussitôt qu'il y a une crise dans la vie, que ça va mal, paf, les pensées négatives rentrent. Pourquoi? Parce que le centre émotionnel est mis en vibration. Si ça allait tout le temps bien dans la vie, là, tu sais, tout le temps bien, tu n'as jamais de problème, si on vivait autrement dit dans une civilisation réellement civilisée, évoluée, cosmique, l'homme n'aurait pas de pensée avec l'astral, parce que tout sera ordonné, mais on vit dans la vie, puis on a constamment des chocs, puis des chocs, puis des chocs, puis des chocs, puis des chocs. Fait que tu t'en vas sur la rue, tu conduis, avec quelqu'un qui te rentre dans le cul, tu veux casser la gueule, tu te donnes d'abord, là, les pensées rentrent. Donne-y en une, bam, tu sais. Fait que tu en donnes une, puis après ça, lui t'en donne une, puis là, tu vis toutes sortes d'affaires. C'est toujours comme ça. C'est ça, l'astral. Mm-hmm. Le plus grand mystère de l'homme, là, Pierre-Théard de Chardin, il a parlé du phénomène humain en fonction de la conscience atomique de l'homme. Mais le phénomène humain devrait être un jour regardé en fonction du psychisme mental de l'ego astralisé. Le phénomène humain commence là. Connaître le reste du phénomène humain, ça découle de ça. Mais l'homme, vous ne pourrez jamais comprendre le phénomène humain tant que l'homme n'aura pas investigué la particularité de son mental astralisé qui est basé sur la fondation psychologique de son moi, qui est utilisé par des entités pour le recouvrement constant de ses énergies pendant toute sa vie. Ce que j'appelle l'expérience. Mm-hmm. Quand c'est fini, il meurt. Puis il recommence, lui, à faire ce que les autres ont fait. Quand vous dites l'entité recouvre les énergies de l'être humain, je veux dire, dans quel sens qu'il va récupérer ces énergies-là? Qu'est-ce qui est récupéré sur l'autre plan? Bon, c'est une entité qui est un petit gars, par exemple. C'est une entité qui est un petit gars, qui est mort, puis c'est lui qui est connecté avec toi. C'est lui ton guide, si tu veux. Mm-hmm. Bon, ben, il va avoir tendance à te faire vivre des expériences dans la vie comme un petit gars. Si c'est une entité, c'est un jaloux, ben, il va te faire vivre des expériences dans la vie comme la jalousie. Si l'autre entité, c'est un batailleur, bien, il va te faire vivre des expériences dans la vie comme un batailleur. C'est une transposition intégrale. Donc, qu'est-ce qui reste qui nous autres? Ah, la grande question qui vous fatigue tout le temps. Qu'est-ce qu'on a, nous autres, Chris? Qu'est-ce qu'on a? On a-tu des goûts? On a rien? Vous autres, vous avez votre lumière en arrière, votre soleil qui est caché en arrière des nuages. Ouais. Fait que vous autres, vous êtes la planète. Vous avez des nuages qui sont les entités, vous avez le soleil en arrière qui essaie de percer, il n'y a pas mal. Là, je dis, bon, enlevez les nuages, puis vous dites qu'est-ce qu'on sait, nous autres. Mais vous autres, c'est le soleil qui connecte avec votre planète, votre être, votre principe universel qui est en fusion, en évolution de fusion avec votre être matériel. Qui n'a pas de mémoire. Bon, vous êtes au peu, qui c'est qu'on est, nous autres? Non, mais c'est la question que les gens se posent. On pense qu'on pense. D'abord, anyway, vous ne pensez pas, vous dépensez. Vous ne pensez pas. L'homme pense pas. Il dépense. Pas penser, ça. Quand l'homme pensera dans le sens créatif du terme, l'homme sera en communication avec sa source, son soleil. Ça, c'est penser. Puis vous appellerez même plus ça de la pensée. Vous allez appeler ça de la communication. L'homme n'a pas besoin de penser. L'homme n'a pas besoin de réfléchir. On réfléchit parce qu'on est astralisé. C'est affaire de réflexion. qui est à la base de toute la déformation psychologique de notre moi, puis la déformation de nos sciences, de la déformation de nos philosophies, la déformation de nos religions, puis tout ça, c'est à cause de la réflexion de la pensée. Ça fait partie de l'évolution, il faut que ça arrête d'un jour de faire mort. C'est comme si on disait, le penser c'est normal, Socrate, pas Socrate, Descartes qui dit « je pense donc je suis ». Faut-tu être con? Puis tout le monde en bac. Les Français en bac, les philosophes en bac, l'Université de Montréal en bac. Je pense donc je suis. Mais il partait du principe que. Ben, je le blâme pas. J'explique le principe. Oui. Ah. Arrête un jour, je pense donc je suis. Ben non, c'est assez révolutionnaire. Que moi, je pense pas. Je suis quoi, moi? T'as de marre, pas je pense pas? Rien. Mais si la grande question que les gens se posent. La grande question. On commence à y donner réponse à la grande question. Ouvrez vos oreilles. Tout n'est pas puni par la main. Sacrement. Maudit, mon animal. Les gens voudraient ne pas avoir à traiter avec la pensée dans une mesure où ils veulent. L'homme ne peut pas ne pas. Vouloir être traité avec la pensée. Ça ne marche pas de même. Tu n'arrêtes pas de penser un jour. Non, une petite cigarette. Calmer mes nerfs. L'homme ne va pas arrêter de penser de même. Ça fait partie de la transmutation du corps mental, ça. Mais au moins qu'il commence à savoir d'où ça vient, la pensée. Ça se pense pas, ça non plus. Ça se sait. Bon, ça se sait. Ça se communique, cette affaire-là. On est des radios. Vous le dites, là. Est-ce qu'une personne, par le fait de le savoir comme ça, juste par le fait de l'information, c'est suffisant pour qu'il sache ça? Bon, au moins, ça donne un point de vue. Qui va en être. Qui l'essaye. Mais qui se fasse dire dans sa tête qu'il est un gros cochon, il va checker. Mais que la fille se fasse dire que c'est une pas bonne, elle va checker. Quelle crise. Il faut que je sache à soi, parce que je vais appeler ça à violation. Quelle crise d'entité. D'intelligence, n'importe quoi, de désincarné, qui a le droit d'intervenir dans notre territoire psychique. Quelle intelligence, à quelque niveau que ce soit, a le droit d'intervenir dans le territoire psychique de l'art? Ils l'ont fait pendant l'évolution parce que c'est à l'évolution. Là, on est rendu dans l'évolution. Aucune. Fait que l'homme, un jour, quand il va commencer à recevoir des pensées comme ça, puis que ça va être établi finalement que l'homme pense qu'il pense, bien, il va commencer à checker à gaffe. Puis quand les gens vont commencer à checker à gaffe, ils vont bien voir qu'on s'est fait fourrer depuis longtemps. Qu'est-ce qui fait éclater ou disparaître ou neutraliser une entité dans notre vie, là? Parce que qu'on l'identifie de 3h à 4h, ça ne l'empêchera pas à 4h30 de revenir. Non, il y a un travail qui se fait. Transformer la conscience. Ça fait partie du processus de transmutation de la conscience humaine. Ça ne se fait pas le lendemain matin. Ça, tu n'achètes pas de livre chez Eaton. C'est un processus qui dure un certain nombre d'années. Puis éventuellement, tu en arrives à intégrer ton énergie. C'est comme les nuages. Les nuages, un jour, ça part. Bon, ben, t'es fait éclater. Puis un jour, ben, il n'y en a plus. Ça n'a pas duré indéfiniment. L'humanité vit avec des nuages depuis des siècles. Là, c'est rendu qu'on est tous d'une bulle. Il faut plus qu'il y ait d'eau. Ouais. Ça évapore de l'eau, c'est ça qui fait le nuage. L'eau, c'est les émotions. C'est ça. Fait que l'individu, il faut qu'il fasse éliminer toutes ses émotions dans sa vie. C'est évident. Moi, je me rappelle, le bébé des années, il y a quelqu'un, parce que des fois, je me fâchais comme ça, puis il disait, comment ça se fait? Comment est-ce que vous pouvez fâché contre des entités spirituelles de même. J'avais dit, qui mange de la marde? Mais il s'est dit qu'il est venu fou. On a fini de le récupérer à Pierre Fort. Pierre. Ouais, Hippolyte Fontaine. L'autre. Pierre. Pierre Boucher. Il était à ses émotions, il était tellement spirituel. Quand j'ai dit, qui mange de la marde? Oh, il a cassé net. On a fini de le récupérer. C'est effrayant. T'es fait exorciser sur place. Bernard, le choc que l'individu a quand il perd contact avec l'entité. Il y a des gens qui... Oui, je le répète encore. Quand j'ai vécu ma fusion en 69, j'ai dit, on est-tu si ignorant que ça? C'est ce que c'est qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit absolument. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire absolument? Il dit, vous êtes absolument. absolument ignorant. Ça veut dire qu'on ne sait rien. Vous êtes absolument rien. C'est cœur, hein? Malgré vos sciences, vos philosophies, vous aussi. Puis, l'évolution de l'homme, elle commence au niveau de ça, hein? Cherche pas à comprendre. Moi, le monde, ils me font rire quand ils veulent connaître les lois occultes, là, les super univers, là. Les secours volantes, parce qu'il y en a qui s'intéressent à ces affaires-là. Les autres mondes. Commence dans ta cuisine, là, quand tu te fais dire dans ta tête que t'es un petit plein de marde. C'est là que ça commence, l'évolution. Là, ils sont rendus des super univers. Tu regardes les livres ésotériques, là, t'as dit que. Les rois du monde, les cavernes des anciens, sacrement, ta conscience, c'est une caverne. Après ça, tu les regardes au bout de 3 mois, ils mangent plus, ils veulent plus travailler, je comprends. Ils ont lu ces cavernes des anciens, puis le troisième œil, à part ça, le troisième œil. L'immortalité, ils veulent s'immortaliser. Ils chient, ça leur tombe dans les souliers. Ils veulent s'immortaliser, maintenant. Il y en a qui vient à mes séminaires, là, je veux fusionner en fin de semaine. Chris a été malade toute la fin de semaine, a été sur le grabat toute la fin de semaine. Le monde m'a fait mourir. Un petit feu. Ouais. Comment qu'on vit quand on est conscient comme vous dans, on est dans un environnement qui j'ai est... l'air des monstres. Ah non, mais ça veut dire révolté un petit peu à soir. Ben, je suis révolté à soir, ça fait partie de mon travail. Faut bien que j'applace la vibration. Calisse. Ça fait des siècles qu'on se fait chier. Les psychologues, on peut venir me voir. Pas que j'ai ça de leur psychologie, je comprends. Tu viens me voir, t'es fait. Mais fait, ça améliore la situation. Ça te donne une autre perspective de travail. Moi, ouais, c'est dur. J'aimerais les psychologues qui trouvent ça dur. Qu'est-ce qui est dur? C'est des gens qui ont des problèmes à régler. Venez me voir, quand des psychologues. Bon, mais ça leur donnerait un outil pour régler des problèmes. Oui, mais c'est dur. Parce que c'est pas les mêmes outils. C'est plus de l'analyse, là. Fait qu'ils se maintiennent en arrière du buffer. C'est plus loin que Freud, ça. C'est effrayant, se faire chier de même pendant des siècles de temps. Pas savoir. Quand tu dis que l'homme, aujourd'hui, sur la Terre, la science, je parle de l'homme, le scientiste, le penseur, puis toute la gang, là. L'homme ne sait pas que la pensée vient d'ailleurs. Ça, c'est ce qui me fait sauter. Puis, deuxièmement, l'homme ne sait pas que l'invisible est très actif sur la Terre, l'astral. Puis troisièmement, les gens spirituels, en évolution spirituelle, là, en recherche spirituelle, là, ils cherchent tout à astraliser leur conscience. Les guides spirituels, ils se font faire leur petit dessin par des guides spirituels. Ils jouent du Ouija board avec des guides spirituels. Ils font du tarot avec des guides spirituels. Ils se font astraliser, ils se font faire des connexions. Ils deviennent des canals, ils deviennent des channelings. Ils se font dire toutes sortes d'affaires. Puis eux autres vivent ça passivement. C'est abominable. Pourquoi vous dites passivement? Passivement dans le sens que l'homme n'est pas capable de se faire l'avocat du diable. Okay. Dans le sens que l'homme n'est pas capable de savoir qu'il est son propre soleil, qu'il a sa science, qu'il a sa conscience intégrale, absolue, universelle. Un homme qui a une conscience universelle, qui parle à un homme qui a une conscience universelle, ils ont toutes la même vibration. Ils peuvent tous comprendre la même affaire. Ils ont différents registres, c'est tout. Puis l'homme ne réalise pas ça. Fait que non seulement pendant l'évolution, on s'est fait enculer par des êtres inconscients philosophiques, mais là, on s'est rendu qu'on se fait enculer par des gens, par des êtres qui sont dans l'astral, qui connectent, parce qu'il y a une grande ouverture dans le monde, là, avec l'occulte et les sciences ésotériques. Puis là, on se fait prendre avec eux autres, puis on réalise pas que ça aussi, c'est un autre trap. Puis un jour, il va falloir que l'homme se réveille. Merci beaucoup, Bernard. On revient dans 30 minutes. C'est bien cool, ces conférences-là. On n'a pas le temps de parler.